À la cloche de bois, on vous parle des luttes pour l'accès au logement pour toutes et tous. Et en soutien en lieu de vie alternatif et autonome, avec ou sans papier, à Bruxelles et ailleurs. Une fois par mois sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panique et Radio Campus. Bonsoir, on est bien à l'émission À la cloche de bois. Dans cette cinquième épisode, nous abordons les sujets suivants. Les actualités, présentées par Jeannot. La campagne réquisition solidaire, présentée par Balthazar. L'intersection, le croisement migrant sans-abri, dépendance au féminin, créé par Wendy. Et l'occupation des terres à Santa Catalina en Uruguay, créée par Titi. Et bien entendu, le tout sera pimenté par des fulgurances sonores produites par nos amis du B118, Balthazar et Paul. Cette émission est une collaboration entre Radio Air Libre, Radio Panique et Radio Campus. Et donc cette émission sera rediffusée ce vendredi 12 février à 21h sur Radio Air Libre. La rediffusion aussi sur Campus, mais plus tard le mardi 23 février à 10h. Et dernière rediffusion sera sur Radio Panique le mercredi le 24 février à 19h. Et le podcast de cette émission, vous pouvez trouver sur les blogs qui sont aussi mentionnés sur l'appel et sur le blog de tranchedanard.noblogs.org, sur Radio Panique, émission À la cloche de bois et leslapinselectriques.blogspot.com. Bonne écoute. Salut les petits loups, c'est Jeannot, je reviens avec quelques news. Quelques news dans le cadre de cette cinquième émission de À la cloche de bois. Alors, des squatteurs emménagent dans un bâtiment vide à Molenbeek. Une quarantaine de squatteurs ont emménagé ce vendredi dans un ancien garage Opel situé à la chaussée de Grand à Molenbeek. Beaucoup d'entre nous connaissent le quartier, c'est à deux pas de la piscine de Molenbeek, où on a quasi tous, enfin en tout cas pour une bonne partie des Bruxellois, appris à nager. Et donc, ils espèrent avec cette nouvelle occupation, pouvoir y mettre entre 150 à 200 personnes. Et ces 150 à 200 personnes viennent d'un squat qui est occupé rue Longin à Jette et qui fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion depuis le 21 octobre dernier. Cette occupation de la rue Longin à Jette est l'occupation d'un bâtiment qui appartient à l'ONG Action d'Amiens, qui malgré ses larmoyantes petites actions d'aide à des gens qui en ont bien besoin, se permettrait quand même de mettre à la porte environ 200 personnes au nom de, je cite, l'absence de lieux d'accueil adéquats et au vu de la gravité de la situation et des risques pour la santé et la sécurité des squatteurs. Il s'agit d'une véritable crise humanitaire qui a lieu à la rue Longin, assure l'Action d'Amiens. Bon, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais je crois quand même que quand on met à la rue des gens, quand il fait moins 10 dehors, ils risquent autant pour leur santé en étant dehors par moins 10, que ils étaient dans un bâtiment inadéquat. À la seule différence, c'est que dans un bâtiment inadéquat, comme ils le disent, il y a encore moyen de se chauffer, il y a encore moyen de prendre de l'eau, il y a encore moyen de se faire à manger, et il y a encore moyen de se laver. Donc voilà, petite différence, mais différence de poids quand même. Alors, le collectif qui espère pouvoir continuer à squatter la chaussée de Gand à Molenbeek espère pouvoir organiser le déménagement dans les prochains jours des personnes qui occupent donc la rue Longin. Alors, à la base de cette occupation de la chaussée de Gand à Molenbeek, eh bien, c'est un collectif d'associations et de personnes avec et sans papiers, d'acteurs et d'actrices du droit au logement et d'habitants de Bruxelles, qui lance une campagne de réquisition solidaire pour une nouvelle occupation de bâtiments vides. C'est une occupation qui mérite que vous vous penchiez dessus. Vous pouvez assez facilement retrouver des informations sur les différents médias qu'on connaît, tels que Indie Media ou autres. Et vous pourrez y découvrir notamment un communiqué qu'ils ont fait où ils précisent qu'ils continueront à ouvrir et occuper des bâtiments vides tant que les pouvoirs publics n'apporteront pas de réponse structurelle suffisante à la crise sociale et sanitaire. En lançant cette campagne de réquisition, ils affirment qu'ils sont décidés à s'organiser face à l'absurdité de milliers de bâtiments vides alors que des centaines de gens dorment dehors dans notre ville. L'ouverture d'une dizaine de squats a permis de loger plusieurs centaines de personnes pendant le confinement du printemps 2020, précise-t-il dans ce communiqué. Aujourd'hui, ils veulent sensibiliser cette réponse solidaire et auto-organisée, tout en réfutant l'idée que cela constitue une solution structurelle suffisante. Alors, ils demandent aussi, et surtout, et là, on les rejoint et on applaudit des deux mains, des deux pieds. Oh, bravo ! Nous demandons la fin de la criminalisation des occupations et du squat, la réquisition publique de bâtiments vides et la fin des expulsions. Et surtout, vraiment là, il faut insister, des moyens pour assurer des logements dignes pour toutes et toutes. Alors, ces occupations doivent notamment se traduire, selon eux, par une accélération de la production de logements sociaux et un encadrement des loyers sur le marché privé à Bruxelles, car ces derniers sont devenus impayables pour les habitants de Bruxelles. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans l'émission précédente à la cloche de bois sur l'explosion du prix des loyers et des logements de manière générale en région Bruxelles-Capitale. Le droit à la dignité doit primer, se loger est un besoin fondamental, précise-t-il en toute fin. Cette occupation de la chaussée de Gand à Molenbeek a malheureusement presque failli être expulsé le 17 janvier dernier. Et là, coup de bol, un appel avait été lancé pour une présence solidaire, rapide et massive, qui a permis d'éviter aux sbires de Rousseau Security, qui encerclaient la nouvelle occupation, de mettre fin à cette occupation et de renvoyer tout le monde à la rue. Fin du mois de janvier, les pouvoirs publics, ne s'occupant pas de la question du logement, certains ont répondu par une affirmation très simple: on occupe pas n'importe quoi, on occupe un bâtiment réquisitionné au 38 de la rue de Koning à Molenbeek. C'est une nouvelle réquisition solidaire et est un nouveau témoignage qui s'inscrit face à cette quantité absurde et indécente de bâtiments vides à Bruxelles. C'est grâce à la quatrième ouverture dans cette campagne de réquisition que des solutions de relogement continuent pour les 200 personnes migrantes sur le point de se faire expulser de chez elles à la rue Longin à Jette. Alors, pendant ce temps-là, il y a des choses qui s'organisent et les pouvoirs publics semblent pourtant incapables de garantir le droit au logement et pourtant de nombreux bâtiments publics sont vides. On précise aussi que c'est la région Bruxelles-Capitale qui est propriétaire du bâtiment qui est occupé pour le moment de 12 000 mètres carrés situé au 38 de la rue de Koning à travers son bras armé immobilier CityDev. CityDev, c'est donc, vous l'aurez compris, le bras armé de la région capitale. Via ce CityDev que la région gère une flopée de biens immobiliers qui pour beaucoup sont vides, rien que celui de la rue de Koning, je reprécise, fait quand même 12 000 mètres carrés. Dont ces stratégies de CityDev, on nous précise aussi qu'évidemment ce ne sont pas des philanthropes et qu'ils font ça dans le seul et unique but d'encore et toujours continuer la spéculation immobilière et d'encourager un partenariat public et privé. Et donc par là même, avec ce partenariat public et privé, ils se font acteurs. CityDev, en tout cas, se fait acteur de la gentrification. Alors, la gentrification, c'est quoi? Pour beaucoup d'entre vous, vous savez ce que c'est. C'est l'arrivée de bobos pleins de fric qui poussent les gens du coin à devoir déménager et encore être plus précarisés parce qu'ils n'arrivent plus à payer les loyers dont les prix ne cessent d'augmenter. Selon les gens qui occupent à la rue de Koning, laisser de tels bâtiments vides, c'est choisir de laisser des gens dormir à la rue. Par rapport à ça, bien, y a des voix qui s'élèvent, notamment pour ne pas laisser les gens à la rue et pour pouvoir un petit peu continuer à pérenniser les squats déjà existants. Et notamment, le syndicat des locataires s'élève pour la prolongation d'un moratoire des expulsions domiciliaires jusqu'à la fin de la pandémie. Il précise dans un communiqué que c'est jusqu'à 600 familles de locataires qui sont expulsées de leur logement à Bruxelles. Un chiffre lié à la paupérisation constante des Bruxellois et à l'augmentation permanente des loyers. Le syndicat des locataires estime que cette tragédie annuelle va exploser à cause du Covid. Et là, on ne peut que les rejoindre malheureusement. Le Covid va pas arranger les affaires de beaucoup de monde. Des milliers de personnes ayant perdu tout ou en partie dans leurs ressources, leurs revenus, et se trouvent dans une impossibilité de payer leur loyer. Depuis le 17 mars dernier, néanmoins, le gouvernement bruxellois avait interdit par des mesures successives les expulsions domiciliaires jusqu'au 15 janvier. Malheureusement, il y a fort à parier que le moratoire va pouvoir arriver à une fin et que les expulsions vont recommencer. Nos oreilles qui traînent un petit peu partout ont déjà eu des signes avant-coureurs de cette reprise des expulsions, et malheureusement il est à craindre que beaucoup de gens se retrouvent à la rue et que ce soit plus que 600 familles qui sont expulsées de leur logement chaque année, mais que là les chiffres doublent voire triple. C'est une véritable catastrophe. Alors que le gouvernement fédéral nous demande de rester confinés donc jusqu'au 1er février au minimum, voire même plus, hein, puisque là on sera déjà, à mon avis, parti jusqu'en mars, à l'heure où ça se profile, les expulsions domiciliaires doivent éviter donc d'entraîner la mise à la rue des familles entières dans cette crise sanitaire et sociale. José Garcia, président responsable, enfin secrétaire, appelez-le comme vous voulez, demande instamment au gouvernement bruxellois qu'il continue de prendre ses responsabilités en prolongeant le moratoire jusqu'à la fin de la pandémie. Nous demandons également que les locataires ayant perdu tout ou partie de leurs revenus puissent autorédire leur loyer de 25%. Proposition intéressante. Et étant donné que mon temps est compté, les petits loups, je vais malheureusement devoir vous quitter, mais je vais vous quitter avec une proposition de lecture. Notre copine Sarah, qui était passée par l'émission, a écrit une carte blanche dans Le Vif du 30 janvier dernier. Et cette carte blanche s'appelle « Pour une baisse des loyers à Bruxelles ». Je vous engage vraiment à aller la lire. Il y a des pistes intéressantes sur la question du logement et la question des loyers à Bruxelles. Et j'espère qu'on pourra recevoir Sarah pour qu'elle nous explique tout ça à bientôt, très bientôt plutôt. Et donc, moi je vous quitte, je vous embrasse tous et toutes, je vous souhaite beaucoup beaucoup de courage, surtout ceux qui sont vraiment au fond du trou et qui sont en galère. Et je salue aussi, et ça c'est un gros gros kiss que je fais à tous les révoltés qui essayent de lutter contre cette fatalité. Je vous embrasse, à bientôt. Aucun visage ne me regarde, et sur les quelques pièces que je glane, à la sortie des magasins, après l'office, le côté face aussi me donne le profil. Le soleil tombe avec les degrés, depuis ce matin je marche. Mais là mes pieds sont las, il faudrait que je pense à me poser. Que je me trouve un porche ou un coin tranquille, bien abrité. À l'écart des regards, la tolérance est souvent mal imitée. Parfois j'aimerais être invisible, tout comme ces fantômes. Et ne pas voir ces yeux qui me regardent pas comme on regarde un homme. Bonjour madame, n'ayez pas peur, non je ne suis pas dangereux. Je vous tiens la porte, c'est tout, c'est pas à votre sac que j'en veux. C'est qu'un bonjour, ça vous coûtera pas un euro. Allez, fouillez votre cœur, y'a peut-être encore quelques merci, je vous jure. C'est pas de ma faute, c'est tout le pays par en vrille, je suis là par manque de chance. La vie a ses sombres héros comme une ombre au tableau. Je croise des routes sans jamais laisser de traces. S'il vous plaît, voyez-moi une fois avant que le vieux ne m'efface. Je sais que c'est dur car vous me percevez comme un peut-être. Alors c'est presque par instinct que vous tournez la tête. C'est vrai, je dors là où vos chiens ont leur chiotte. Je gêne les amoureux qui sur les bancs le soir se bécotent. Et si le vent parfois me force à squatter vos entrées, n'oubliez pas, même les vaincus ont droit au respect. Et si le dédain était armé, je serais mort mille fois comme ceux qu'on retrouve le matin gelé et mort de froid. Mais là c'est pire et ma présence ne choque même plus. Le temps défile doucement, je deviens une simple habitude. On ne me voit plus, je suis transparent, une habitude. Les regards glissent sur mes affaires entassées sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette, une ombre sans utilité. Comme disent hommes et femmes pleins de futilité, je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête. Ceci était le clip de IM qui s'appelle Habitude, en collaboration avec la Fondation Abbé Pierre, ayant pour mission la lutte contre le mal-logement et les phénomènes d'exclusion. À la fin de l'émission à laquelle je vois le quatrième épisode, on a parlé de l'affaire Moïse Lamine Bangoura, qui date qu'il y a 2 ans, mais qui n'est toujours pas réglée. Le jeune de 27 ans, d'origine guinéenne, qui habite en Flandre, à Rousselaere, et qui a été brutalisé par la police pour un défaut de paiement de loyer de 1600 euros, et qui est décédé ensuite. L'expulsion de logement. Les policiers ont étouffé Lamine à l'aide d'une clé d'étranglement et d'un plaquage ventral, deux techniques policières de maintien au sol décriées partout dans le monde car jugées très dangereuses. Suite au non-lieu prononcé le 26 juin 2020, la famille Bangoura a interjeté un appel. Le 4 février 2021, s'est tenue de l'audience devant la chambre de mise en accusation de Gand qui décidera du renvoi ou non des 8 policiers devant le tribunal correctionnel. La confirmation d'un autre non-lieu constituerait une décision scandaleuse confirmant l'impunité policière en cas de meurtre raciste. L'enquête et l'instruction qui ont été menées jusqu'à présent sont remplies d'illégalités, notamment. Des policiers n'ont pas été auditionnés par le comité P immédiatement après les faits. Avec le soutien de leur hiérarchie, les policiers ont eu l'occasion de se concerter avant leur audition respective devant le comité P. Le 26 juin 2020, le président de la Chambre, Conseil de Courtrai, a prononcé un non-lieu scandaleux et inacceptable. La procédure a bafoué les droits les plus élémentaires à la justice. Nous demandons justice. Les 8 policiers de la zone doivent comparaître devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'un procès public. Les supérieurs de la zone de police doivent aussi comparaître devant la justice. Lamine Moïse Bangoura doit être enterré le plus rapidement possible, en toute dignité et dans le respect des souhaits de la famille. Parce que cela fait bientôt 3 ans que le corps de Lamine Bangoura gît toujours à la morgue à Bruxelles dans un frigo. Aujourd'hui, la facture pour récupérer le corps de Lamine s'élève à plus de 30 000 euros. L'entièreté des frais relatifs à la présence du corps de Lamine Bangoura à la morgue doit être prise en charge par l'État belge. L'organisation de l'impunité est aussi passée par le traitement dégradant subi par la famille Bangoura dès la mort de Lamine. Cela durant toute la procédure judiciaire et en ayant impliqué de manière complice différents échelons institutions de l'État. À eux aussi, justice doit être rendue. Pour avoir plus d'infos, il y a un entretien filmé avec le père de Lamine et l'avocat de la famille qui revient en détail sur l'affaire. C'est sur bxl.indymedia.org dans la rubrique locale « Affaire Lamine Bangoura ». Quels sont les faits et pourquoi nous demandons justice? Autre nouvelle, il y a eu des perquisitions chez des soutiens de la ZAD d'Arlon, donc la zone à défendre d'Arlon, donc une lutte contre la bétonisation du site naturel là-bas. On en avait parlé à la 2e émission, on avait été sur place parler avec les gens là-bas. Fin janvier, il y a eu des perquisitions chez 3 personnes. Et les flics sont arrivés à 6h du matin, et ils ont pris des livres, des textes, des affiches. Et voilà, c'est dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs. Donc il y avait eu un appel à soutien mi-janvier pour faire face à une menace d'expulsion. Voilà, donc toute notre solidarité envers les personnels ZAD. Fin janvier, David, qui squattait à Saint-Étienne, est mort lorsqu'il a ouvert un bâtiment pour héberger des personnes qui ont besoin d'un toit. Donc il était très jeune, il est mort, et un ami, son ami Klaus Tinto, a lu un poème pour lui, en hommage à lui, qu'on va reprendre ici. Il y a des gens sur les toits parce qu'il faut monter jusque là pour trouver de quoi se donner le droit de s'en sortir de l'injustice, de l'impuissance et du froid. Il y a des gens sur les toits qui cherchent dans les recoins de la ville de quoi accueillir et parler, puis s'entendre et prendre des forces, rire, pleurer, être entendu, de quoi sortir de la vie de tous les jours, coincé, abattu entre la honte et la colère vide. C'est entre la honte et la colère vide. Y'a des gens sur les toits pour qui c'est évident qu'il faut se battre et prendre ce que l'on ne veut pas nous donner. Que ça a toujours été comme ça et que ça le restera tant que le monde ne se lèvera pas pour monter sur tous les mêmes toits. Y'a des gens sur les toits et des gens dans les rues, y'a des gens dans les usines, y'a des gens dans les cafés, dans les forêts, dans tous les espaces intimes. Et qui se battent, et qui tombent, et qui se relèvent. Et y'a des gens qui se battent, et qui tombent, et qui se relèvent, et qui parfois ne se relèvent pas. Y'a des gens sur les toits qui nous font des grands signes avec les bras pour nous dire venez si vous avez froid de la vie qu'on nous force à vivre. Y'a d'autres endroits, d'autres façons de se dire, des façons de ne plus subir. Y'a des toits d'où on voit bien plus loin que soi. Y'a des gens sur les toits qui nous font des grands signes avec les bras pour nous dire bonjour et au revoir à la fois. Là, on vient d'écouter la chanson Libre otra vez du groupe Porca Miseria, un groupe de street punk franco-argentin de Saint-Étienne, d'où venait David. Voilà, un petit clin d'œil encore à lui qui aimait bien faire la teuf. Collage sonore à base de souvenirs éparpillés lors d'une occupation assez récente dans le cadre de la campagne de réquisition de bâtiments qui bat son plein aujourd'hui à Bruxelles. J'espère que vous n'allez pas vous perdre dans ce collage sonore qui n'est pas une publicité ni une présentation, mais un collage à base de cadavres exquis, de musique, de rire et de bien d'autres souvenirs. Car lorsque le vent nous emmène, au gré de nos aventures, nous avons vagabondé jusqu'en Italie. Incroyable. J'y crois plus en Italie. J'ai passé 5 ans avec cette meuf. Elle m'a trahi, je l'ai quitté. 5 ans de ma vie. L'Italie, Florence. Il l'a déjà fait. Dans la campagne, on découvre qu'occuper un bâtiment, ce n'est pas qu'avoir froid la nuit et manger des vieux sandwichs, mais aussi faire des rencontres et écouter des histoires. que l'on entend, que faible, que très faiblement, mais qui conviennent malgré tout jusqu'à notre cœur. D'assemblée en assemblée, de soirée en soirée, on tente l'autogestion. Ce soir, on a dit on peut monter sur le toit. En vrai, non, à l'assemblée hier, il a été dit on ne peut pas monter sur le toit. C'était l'assemblée hier. Quand ma grand-mère tend son linge et éclabousser les enfants qui s'aventuraient dans ce gouffre rempli de cannabis. Cannabis, ah oui. Je plonge dans ce drôle de jeu, c'est drôle, n'est-ce pas? Je ne sais pas. De quoi être sûr, quoi? Le monde me termine pas tard. Je suis triste que nous croyions vraiment ça. Pourquoi cette confusion? Je ne sais pas pourquoi cette confusion, mais c'est vrai que c'est drôle. Au moins, nous n'avons pas oublié de rire. Et ça, c'est important. On n'a que le plaisir qu'on se donne. Et là, nous avons vu la lumière, mais la serrure s'est mise à vriller. Lors de la 47e réquisition de cheval, réquitation de cheval, la 20e commune autogérée a vu le jour dans la joie. Telle une larve sortant de son œuf au milieu d'un compost. La vie se compose d'une addition de détails. Du plus petit, du plus insignifiant, il faut parfois, même souvent, regarder les petits détails qui composent notre vie et la rendent belle. Ce qu'on fait maintenant, c'est assouplir le tout. Ah, franchement, hier, on s'est trop marré. Des fois, on a le même but, mais on ne tape pas avec le même pied, ni avec le même poing sous la table. On a le droit de foirer. Foirer, ça veut dire quoi? Tomber, réussir, échouer. Peut-être qu'on a pris un virage. Comprendre, tourner la page. Qui peut prédire si on se rattrapera? Qui peut prétendre si le temps viendra à nous? Quoi qu'il en soit, on le vit avec notre présence, à soi-même. Assis sur la branche, alors parfois on l'assit, on ne sait pas ce qu'il tombera. Et si je compte ce qui nous reste, ma foi, un paquet de cordes à notre arc. Allez, c'est bon. Quelques larmes, s'il vous plaît. Les décochés. Les problèmes, c'est comme l'air sous les ponts, ça passe à ce qui paraît. Les mille couleurs, les mille visages. Les problèmes, c'est comme l'air sous les ponts, à ce qui paraît, ça passe. Les mille problèmes, les mille questions. On sait pas quand passera le message dans nos informations. Allô? Allô? Allô, j'écoute. Tout bonne question. Caresse le carnet, il reste un paquet de pages. Laisse-les s'envoler. Dans le monde des idées, faire ses projets, c'est quoi? C'est désigner des centres, des points où se concentrent les énergies, puis se diffractent les ramifications, les débris, côtoient l'abstraction. Et pourtant, des fois on a le même but, et pourtant, on tape pas avec le même pied, et on a le droit de foirer. Et ça veut dire quoi? Et se rattraper, ça veut dire quoi? À l'abri dehors la loi, dedans la vie, faire don de soi, tout autant que prendre ce que l'on reçoit quand on n'a rien à vendre. Rupture de stock. Ah ouais, rapide rappel, je veux même pas dire qui a acheté la première pierre. Les cailloux, ça tombe partout. On n'est pas si fiers d'avoir décroché la première. Alors je préférais décrocher le premier sourire, garder le dernier souvenir dans quelque chose de blanc, de bleu, de lumineux. Tu sais, d'un coup, tu cours, tu cours. Tu cours et puis tu saignes du genou. Tu sais pas où tu débouches. Le temps te rattrape le bras. Rester debout ou se coucher pour écouter quelques gouttes. Et s'il faut, tu perdras quelques doigts. C'est pas grave, tu peux toujours jouer du jazz manouche. « faire ses projets, c'est quoi désigner des centres, des points où se concentrent les énergies, puis se diffraquent, ramifications, le débris, quota l'abstraction, à l'abri, dehors la loi, dedans la vie, faire don de soi tout autant que prendre ce que l'on reçoit quand on n'a rien à vendre, tout avoir devant soi pour cueillir le présent, qui peut spéculer sur la joie, présente-moi la banque du bonheur, je dirais que tu mens. Rester debout, se coucher pour écouter quelques gouttes. Tu sais, d'un coup, tu cours, et toi tu sais pas où tu débouches. Des fois, on a le même but, mais on ne tape pas avec le même pied. Alors, on a le droit de foirer. Foirer, ça veut dire quoi ? Comme on est tous différents, c'est pas trop vers quoi ça va. Les utopies se mélangent, les abstractions, les rayons se côtoient dans l'abstraction. Est-ce qu'il n'y a qu'une vision sur Terre ? Les formes. Le mélange des couleurs qui se répondent. Comment les faire s'assembler ensemble ? Allez, c'est bon, quelques larmes, s'il vous plaît. Le problème, c'est comme l'air sous les ponts. On sait tout ce qu'on attend de pouvoir tant qu'on est ensemble. Bien sûr, on met les doigts sur les yeux, on n'a plus rien à voir, pas grand chose à croire. Arrêtons de croire des mythes, faut devenir des légendes. Se rattraper, ça veut dire quoi ? Et ça prétend encore que ça va changer le monde, alors qu'on sait très bien qu'il va juste mettre les pieds sous la tombe. Alors on se prépare au mieux pour vivre notre petit mourir avec un coin de sourire. Ah oui, rapide rappel, je veux même pas dire qui a acheté la première pierre. Moi j'essaie de garder les pieds sur terre. Et en même temps, qui pourrait faire décoller ces pauvres petits pieds ? Moi je voudrais sourire à la mort, à la vie, au bruit. Au son, j'aime le son, à la bêtise, à la bonté, au non-sens, à la nonchalance. Tu sais, j'aime le son. La solitude est collective, et alors on s'en balance. Dans la neige, on est toujours tout seul au fond du navire jusqu'à ce qu'il sombre. Gratter la fine couche de grêle sur le pare-brise. Faut déjà attendre que ça dégrise. Alors on partage bien plus que ça, bien plus que des restes. Tu sais, d'un coup, tu cours, tu sais pas où tu débouches. Rester debout ou se coucher. Pour écouter quelques gouttes. On vous propose un entretien avec une personne qui va nous parler du croisement dans le vécu de personnes sans abri, sans papier, parfois en dépendance. Et on va parler aussi de la question des femmes là-dedans. Bonne écoute. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Donc on parlait pas mal sur ton travail. En fait, tu travailles en tant que psychologue avec des personnes en situation de précarité. Je trouvais ça intéressant comment la question du logement, il revenait à chaque fois sur le plateau et j'avais envie d'approfondir ça avec toi. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer une journée habituelle au travail ? Oui. Alors bonsoir. Donc, je travaille avec des personnes en précarité, ça veut dire qu'elles sont en situation de précarité, déjà je tiens à le préciser. C'est-à-dire que dans le travail social, on a l'habitude un peu de chosifier les personnes et d'assimiler les personnes à leur situation. comme si c'était un peu de leur faute si elles étaient en situation de précarité. On dit des personnes précaires, par exemple. Pour moi, c'est vraiment en situation de précarité. Enfin, l'idée, c'est de pas essentialiser la situation, mais de toujours rappeler que c'est le fruit d'un système. Donc, une journée type, pour une psychologue qui travaille dans ce secteur, déjà, on fait pas de la psychologie pure et dure, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on prend en compte, comme j'ai dit, le système. Donc, on fait plutôt du travail psychosocial, comme on dit. On part des demandes des gens. Alors, les personnes qu'on reçoit, c'est soit des personnes qui ont des problèmes de drogue, mais soit et ou, parfois les deux, des personnes qui sont en situation de migration, qui ont dû fuir leur pays pour X raisons, qui sont toutes légitimes. Et ensemble, on va faire un bout de chemin en fonction de ce qu'elles ont besoin. Parfois, c'est être soutenu dans des démarches. Ça peut être l'asile, mais ça peut être le logement, ça peut être voilà. Et donc là, on va travailler beaucoup en réseau avec d'autres personnes qui s'y connaissent mieux que nous sur ces questions. Et parfois, parfois en même temps, soutenir la personne quand elle a du stress, quand elle est déprimée, quand elle est un peu, elle en a marre et qu'elle a besoin d'un support. Et nous, on va servir un peu à soutenir la personne et vraiment à valoriser ses ressources individuelles, mais aussi les ressources collectives qui existent. Et donc, un entretien type comme ça, est-ce que tu pourrais donner un exemple de comment ça se passe comme ça ? Il y a deux exemples. Par exemple, la personne a des problèmes de facture. Ensemble, on va téléphoner. Donc ensemble, je dis, parce que si la personne ne parle pas français, je vais peut-être téléphoner pour elle, mais avec elle. Elle va me dire un peu quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'elle veut. Téléphoner, je sais pas, Alex, par exemple. Et puis ensemble, on va voir un petit peu s'il faut faire un plan de paiement, etc. Je dis ça, ça ressemble très à une assistante sociale. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de nouer un lien et qu'après, la personne aura suffisamment confiance en moi pour, si elle a besoin après de parler d'autre chose, de sa tristesse, tout ça, des effets de ses problèmes sur ses émotions, elle va m'en parler. Un autre exemple, plutôt avec une personne qui n'a pas de papier ou qui est en procédure d'asile, on va appeler son avocat dès qu'elle a des questions. Et par exemple, ça arrive qu'on travaille avec des interprètes. Là, ce qui est intéressant, c'est que on va se servir du fait que dans l'entretien, j'ai un interprète pour appeler ensemble l'avocat, pour que l'avocat puisse vraiment tout expliquer. C'est-à-dire redonner à la personne son pouvoir de connaissance, de compréhension de tout un système, pour qu'ensuite, elle puisse faire ses choix elle-même. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment la question du logement, comment est-ce que ça se joue au quotidien concrètement pour ces personnes ? Alors, pour les personnes qui sont, par exemple, sans papier, ou les personnes qui viennent d'arriver, qui sont migrantes, quand je pense à sans papier, je pense à des sans papier de long terme. Parfois, ce qui se joue, c'est plutôt la question du logement d'urgence. C'est-à-dire ne pas avoir un abri nulle part, des personnes qui se retrouvent en errance malgré elles dans toute l'Europe, parce que le système autour de la question Dublin, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Europe forteresse, c'est-à-dire que en Europe il y a tout un système qui se dispatche les personnes migrantes selon chaque pays. Les personnes, une fois qu'elles ont été, elles sont rentrées dans ce système, elles donnent leurs empreintes et elles vont être dispatchées dans différents pays. Elles vont se retrouver à être en errance parce que chaque pays les pousse toujours plus loin. Et là, pour la question du logement, justement, c'est beaucoup de gens qui se retrouvent en rue ou qui se retrouvent dans le logement d'urgence, qui ne peuvent jamais habiter quelque part. Donc ça a vraiment des effets sur le psychisme des gens. C'est pour ça que j'appelle ça avoir un abri nulle part, en fait. Le non-accueil, un petit peu. Ça, c'est plutôt la question symbolique du logement. Plus concrètement, il y a aussi des personnes qu'on reçoit qui ont des papiers. Quand je dis ça, c'est ont des papiers européens, parce qu'en fait, tout le monde a des papiers. Juste, ici, on dit avoir des papiers, mais en fait, il s'agit des papiers d'Europe. Les personnes sont belges, ont des papiers, et là, pour différentes histoires, elles en arrivent petit à petit à perdre leur logement. Par exemple, elles se retrouvent en situation de précarité, elles perdent un travail, ou d'autres sont dans des questions de dette, d'autres sont dans des questions de consommation de drogue, et la drogue, ça coûte cher, en fait. Et petit à petit, il va y avoir un engrenage où des loyers impayés, etc., les gens veulent se retrouver à la rue. Donc ça, c'est d'autres questions où on va devoir faire des démarches avec les huissiers pour un petit peu calmer les choses si la personne le souhaite, Et la question du logement, dans un troisième terme, se joue aussi avec des personnes, par exemple, qui ont aussi des difficultés psychiatriques. Donc, par exemple, des questions de PTSD, trauma, etc., où ou d'autres, la question de la schizophrénie, de la dépression, enfin voilà. En tout cas, des fantômes qui les assaillent régulièrement. Et lorsqu'ils sont en logement, on se retrouve très seul et très seul face à ça. Et ça, c'est aussi tout un accompagnement qu'on fait, c'est-à-dire comment rester en logement. Dans un logement qu'on puisse habiter de manière chouette, comment trouver tout un réseau de voisins pour soutenir le logement, si la personne le désire toujours. C'est-à-dire que si la personne n'en peut plus et qu'elle se dit « ben voilà, pour l'instant, le logement, c'est impossible pour moi, j'ai besoin d'un moment en rue », ça peut peut-être choquer, mais voilà, pour des personnes, parfois, c'est un espace de respiration, la rue. Et ben voilà, on va soutenir la personne jusqu'au moment où elle veut être soutenue. Je souhaite le frisson de l'insouciance, te croque l'espoir de nos chants, de nos danses. Le soleil de petites joies immenses, te pense à t'appeler délivré de l'offense. Je te souhaite la main d'un ami, une oreille, une épaule qui te serve d'appui. Ne pas avoir peur, peur de la nuit, de pleurer comme on se lave, nu sous la pluie. Je te souhaite d'en vouloir encore, du ressort, du panache dans les temps morts. Des bottes de sept lieux, des boîtes de Pandore, de l'or dans les rêves quand la ville s'endort. Je te souhaite de ne jamais te résoudre, de garder les crocs et l'envie d'en découdre. L'indignation, l'insoumission, la furieuse impression d'avoir deux yeux de trop. Je te salue ma rue. Je te salue ma rue. Je te salue ma rue. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu poses à la fois le logement comme quelque chose d'essentiel au bien-être des personnes, et à la fois comme quelque chose de limité si c'est pas accompagné par d'autres facteurs. Et donc ça me fait réfléchir à l'idée de housing first. Du coup, je voulais te demander en fait qu'est-ce que tu en penses de cette idée où effectivement on va dire d'abord le logement, après on règle les autres choses. Effectivement, moi c'est un projet, enfin des projets, puisqu'il y a plein de housing first liés à différentes ASBL, que j'aime beaucoup. Parce que, voilà, c'est ça, c'est qu'ils remettent en logement des personnes qui étaient en rue depuis longtemps, mais ils considèrent que la remise en logement, c'est le départ d'un cheminement. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est en logement, rien n'est fini. Au contraire, ce qui témoigne, c'est beaucoup d'une phase dépressive, en fait, après la remise en logement. Parce que quand je pense à des personnes en rue, qu'elles soient consommatrices de drogue ou pas, enfin, peu importe pourquoi elles sont en rue, ou des personnes migrantes, etc., quand t'es en survie, et que t'es en rue, tu tiens en fait, parce qu'il faut tenir en fait. Et donc tu tiens, tu te serres les coudes, ou parfois tu... Voilà, mais en tout cas individuellement, tu es en mode warrior, on va dire, entre guillemets. Une fois que tu arrives en logement, ce qu'on appelle les défenses psychiques, donc tout le mode survie tombe, parce qu'enfin tu peux te reposer. Sauf que malheureusement pour certaines personnes, les fantômes réapparaissent de différents ordres. Et là, en fait, s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est compliqué. Et c'est ce que Housing First propose, c'est vraiment être au quotidien avec les personnes, être au plus près des personnes avec leurs besoins, mais aussi ils identifient, et ça moi c'est quelque chose qui est très important pour moi, tout un réseau informel. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils ne dépendent pas des institutions. Enfin, en tout cas, c'est pas le but, selon moi, des institutions, c'est pas de rendre les gens dépendants de nous. Et entre, quand on voit une personne une fois par semaine, on la voit une heure par semaine. Et puis, il y a le reste de la semaine. Et en fait, le reste de la semaine, la personne, elle tient. Et ça, c'est important d'identifier comment elle tient, d'identifier avec elle, et aussi grâce à qui elle tient. Et parfois, c'est un boulanger, parfois, c'est, je sais pas, enfin voilà, un cousin... Peu importe, c'est la personne qui choisit son réseau et avec Housing First qui va vraiment renforcer tout ce réseau, toutes ces ressources pour tenir en logement sur le plus long terme. Avec le public, avec le trafic qui te travaille, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Et ces questions-là, comment ils s'articulent pour une femme en particulier? Alors déjà, sur la question du... Alors je dirais peut-être deux choses un peu différentes, mais sur la question du genre, et on va dire genre et migration et puis genre et toxicomanie, en fait, malheureusement, le patriarcat est passé par là. Le patriarcat est vraiment dans le monde entier. Et que ça ne déplaise aux personnes qui sont racistes, le patriarcat, il n'est pas dans des pays très loin, arriérés, etc. Non. En fait, le patriarcat, il continue ici. Pour les femmes migrantes, ça se joue à différentes manières. C'est-à-dire que déjà, les raisons de départ sont différentes. Souvent, il s'agit de ce qu'on dit des violences de genre. Donc voilà, violence sexuelle, violence psychologique, etc. Mais qui font que les femmes vont partir, le fait qu'elles n'ont pas le même statut dans différents endroits du monde, font que ça va les pousser à partir. Ensuite, sur le chemin, la migration se joue autrement, c'est-à-dire que elles vont, par exemple, malheureusement, ce qu'on dit, payer de leur corps, c'est-à-dire que ça soit un choix ou pas du tout, avec des questions de viol pendant le trajet, les passeurs, etc. Enfin, voilà. Et puis, donc je résume, hein, mais et à l'arrivée, ça va aussi se jouer autrement, parce que dans chaque société, il y a des attentes différentes pour les femmes et pour les hommes. Par exemple, dans la société d'accueil, par exemple en Belgique, il y a beaucoup de femmes qui témoignent qu'on va attendre des choses différentes d'elles, c'est-à-dire par exemple le jugement autour de la maternité. Pour les femmes migrantes, il va y avoir vraiment un jugement qui est vraiment un croisement intersectionnel entre le racisme et le sexisme, en disant qu'on attend d'une femme migrante donc qu'elle soit maman un petit peu comme les femmes d'ici. Et tout ce qui va être en dehors de la norme de la maternité prescrite en Belgique va vraiment être régulièrement jugé, dénié, sauf que ce sont des femmes qui sont déjà arrivent avec différentes backgrounds de violence, qui sont pas toujours sûres d'elles-mêmes, qui comprennent pas les codes de la société d'arrivée parce qu'elles ne connaissent pas les codes. Et que vraiment, c'est vraiment vécu difficilement. Donc voilà, un des exemples pour les femmes migrantes. A contrario, je tiens à souligner que c'est aussi des femmes qui sont pleines de ressources et qui trouvent, par exemple, un exemple, c'est qu'elles voyagent ensemble. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui voyagent en collectif. Et c'est une manière un petit peu, qui fait un peu penser à l'autodéfense féministe, c'est serrons-nous les coudes contre les violences de genre. Voyageons ensemble parce qu'ensemble, on est plus fortes. Et contre les passeurs ou contre différents... hommes pas bienveillants, même assez violents, mais ça fonctionne bien. Voilà, ça c'est pour les femmes migrantes. Pour les femmes, donc c'est un peu des catégories. Bien sûr qu'il y a des femmes migrantes qui sont usagères de produits, etc. Mais c'est pour être plus, que ça soit plus facile. Pour les femmes toxicomanes, il va y avoir aussi d'autres prescrits. C'est-à-dire que suivant le milieu d'où tu viens, social, racial, enfin culturel, etc., les prescrits sont pas les mêmes. Et par exemple, une femme en Belgique qui boit, c'est hyper tabou. Pareil pour d'autres drogues. Et par exemple, pour certaines femmes migrantes qui consomment certains produits, c'est vraiment très tabou selon les pays. Et donc, elle va devoir se cacher. Et donc, vivre dans l'isolement. Surtout, et je recommence, si elle est mère, alors là, une femme qui consomme une drogue et qui est mère, là, on arrive au tabou ultime. Voilà. Et donc, encore une fois, elles vont être vraiment essentialisées et les personnes vont vraiment les juger, pas du tout respecter le fait que une femme, c'est une personne multiple qui a sa singularité. D'où l'importance pour nous de vraiment les soutenir dans leur singularité, leur histoire et ce qu'elles ont envie, elles. C'est vraiment important d'entendre ça parce que je trouve que dans le discours dominant, que ce soit sur les personnes migrantes ou les personnes qui vivent en rue, je trouve que cette question spécifique des femmes, il faut vraiment aller le chercher, quoi. Dans le discours dominant, il n'est pas du tout... c'est comme si la situation elle est vécue pour tout le monde pareil. En fait, là, tu cites des choses très, très concrètes de comment, en fait, ça change. Et je me demandais comment est-ce que, par exemple, pour les femmes qui vivent en rue... Comment est-ce que le côté violence sexuelle se joue? Souvent, quand je croise des personnes qui, dans les métros, etc., dans des endroits où ils peuvent un peu être à l'abri, et qu'il y a des femmes dans la compagnie, je me pose toujours cette question. Comment est-ce qu'elles vivent ça? Alors, déjà, je vais donner des exemples, mais je vais pas parler à leur place, parce que, si on interrogeait 10 femmes, elles répondraient 10 réponses différentes. Il y a quand même des choses assez communes, peut-être. En tout cas, pour certaines femmes qui sont depuis longtemps en rue, qui ont vécu déjà, sont déjà victimes de violences, etc., je pense à quelques personnes que j'ai suivies. Ce qu'elles témoignaient, c'était la difficulté avoir des espèces de choix cornéliens. C'est-à-dire, je sais que, par exemple, avec cet homme, c'est compliqué. Parfois, je subis des violences. Et d'un autre côté, parfois, c'est une personne avec qui je me retrouve en rue régulièrement face à d'autres. Enfin, voilà, je trouvais que c'était toujours des choix très compliqués. Bon, après, il y a aussi la question, et ça, il faudrait demander plutôt aux psychologues qui travaillent autour des violences sexuelles et violences conjugales, etc. Il y a la question de l'emprise. Enfin, voilà, mais bon, on va pas aller dans des questions plus spécifiques. Mais quand même, voilà, il y a toujours, j'ai l'impression, un espèce de choix compliqué à faire entre il y a moi, mais comment je fais pour être protégée, etc. Je sais qu'un quelque chose qui m'avait vraiment interpellée, c'était la réaction de certaines femmes de se, entre guillemets, hein, masculiniser dans le regard social, hein, pour pouvoir mettre à distance comme ça le regard du patriarcat, le regard des hommes, etc., et mettre à distance certaines violences. C'est-à-dire que un petit peu, moi, ça me fait penser un peu à quelque chose un peu d'autodéfense, mais qu'elles ont trouvé elles-mêmes, un petit peu comme ce que je disais, ces femmes qui traversent le monde entier et des pays très compliqués pour elles, où elles se mettent à plusieurs. Donc chacune a un peu ses techniques. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de souligner ces techniques-là. Elles ont toutes des techniques pour de survie et de... Comment dire ? Oui, pour se défendre elles-mêmes. Et ça, c'est ça qui est intéressant à souligner avec elles. Nina Biskina, tous les Zoulous de la ville. La Sista, Vanina, la Sista des locaux. Nina Miskin Chassa, Renoir. Ok, un verre de plus. Ouais. Aujourd'hui, on a les moyens. Éduqué à la chicotte, si on aspire à être chanteur, mon rap a l'allure de ma démarche, la saveur d'un 12 ans d'âge à force d'aimer. On finit cocu du village, banditisme, bitchisme et délit de fuite sur la nationale. Échec scolaire, parcours ordinaire, normal. Échec scolaire parce que problème comportemental. Pas très vieille mais déjà très écrit. J'écris parce qu'on est fait de ce qu'on a construit. J'écris, je cherche les mots qui pensent les mots. Il y a longtemps qu'on a goûté à la goutte de trop. Essaye d'imaginer quelle vie on vit, quelle vie s'enfuit. Les notre père priés dans les pieux d'autrui. Tous impurs car tous s'injurent. Tous parjurent car tous jurent de rester clean pour toujours. On s'inscrit dans la catégorie mauvais parce qu'on est bien là où il y a les gens qu'on craint. Un verre de plus, un pas de plus vers l'ulcère. Un verre de plus, un air de mif avec mes confrères. Tu veux de l'amour, envoie ta sœur, on va tous l'aimer. Tu veux de l'amour, moi je veux ma carte de séjour. Un verre de plus, un pas de plus vers l'ulcère. Un verre de plus, un air de mif avec mes confrères. Tu veux de l'amour, envoie ta sœur, on va tous l'aimer. Tu veux de l'amour, moi je veux ma carte de séjour. J'ai des problèmes dans la tête à peine sorti du confessionnal. Mes pères ont violé cette enfance qui fut ma capitale. Je fais un peu de tout, beaucoup de rien. Je dois avouer que jusqu'ici ça ne se passe pas très bien. Je rappe car trop de clair pour pousser la chansonnette. Onzième commandement ne médit point celle qui écarte pour remplir l'assiette. C'est par amour que tout finit pour une paire de fesses. L'enfance fut ma capitale, me voilà SDF. Je me sens con comme après un suicide raté. Me cache derrière un verre pour que ça ne paraisse pas trop grossier. Présentable jusqu'à ce que j'ouvre la bouche. Le jour où je pèterai les plombs, sortez la faucille ainsi que les cartouches. On se dit qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ici on gicle devant un gosse sans poil pubien. M'appelle pas Miss, demoiselle ou bien je sais pas quoi. Salutations, je me présente Nina Miskina. Kina, Kina, vers l'enfer. Avec mes gangsters, on va la niquer. Plus vers l'ulcère, un verre de plus, un air de mif avec mes confrères. Tu veux de l'amour, envoie ta sœur, on va tous l'aimer. Tu veux de l'amour, moi je veux ma carte de séjour. Un verre de plus, un pas de plus vers l'ulcère. Un verre de plus, un air de mif avec mes confrères. Tu veux de l'amour, envoie ta sœur, on va tous l'aimer. Tu veux de l'amour, moi je veux ma carte de séjour. Et les personnes qui viennent en entretien avec toi, parce que du coup, voilà, tu décris très bien leur vécu. Et donc, du coup, à un moment, ils se retrouvent chez toi, dans une chambre. Et donc, du coup, ils et elles se retrouvent à vouloir avancer ou, voilà, elles ont des questions. Est-ce que tu as l'impression que tu peux répondre aux besoins qu'ils posent ou qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour pouvoir y répondre ? Alors, ça dépend des besoins. Parfois, effectivement, c'est quelque chose de très ponctuel et on peut faire des démarches avec les personnes, etc. Parfois, c'est plus... Donc, je pense à des démarches sociales, juridiques, etc. Parfois, oui, voilà, c'est juste... On dirige vers le réseau voilà, qui s'y connaît mieux. Parfois, c'est plus un plus long suivi et plus autour des émotions ou avoir une personne à qui s'adresser. Ça, c'est hyper important. Les gens, en fait, qui passent la porte... qui sont en situation de précarité ou d'autres, sont très seuls, en fait. On est dans une société individualiste, et malheureusement, parfois, c'est la seule personne à qui ils peuvent parler de, on va dire, de leur secret intérieur. En tout cas, voilà. Et puis, quand il s'agit de... Parfois, les gens ont besoin qu'on reconnaisse aussi qu'ils sont victimes de violences systémiques. Donc, je parle d'un système qui, pour moi, est raciste, sexiste, classiste. Et voilà, désolée si j'oublie d'autres systèmes. Et là, c'est important d'être témoin. Et d'un autre côté, petit à petit, parce que ça fait des années que je travaille dans ce secteur, je me dis, un peu, voilà, comme disait le psychiatre Frantz Fanon, qui a travaillé en Algérie et qui travaillait sous un système colonial, au bout d'un moment, il en a eu marre d'entendre des gens souffrir d'un système colonial. Et il est devenu de plus en plus décolonial, et en fait, à un moment, il a arrêté, et il s'est engagé, voilà, dans des questions pour changer le système. Oui, parfois, ça me semble important, et ça a du sens de soutenir les gens, et d'être réceptacle de la souffrance des personnes, et de reconnaître les effets de ce système aux gens, de soutenir aussi leur manière d'agir contre ce système. Mais parfois aussi, on a vraiment envie de dire, et si ce système n'existait plus, si on arrêtait les frontières, voilà, si on changeait ce système, si le patriarcat n'existait plus, si le racisme systémique n'existait plus, ça serait quand même mieux. Quand les gens témoignent de violences policières, de violences conjugales, de violences sexistes, de violences racistes, on se dit qu'effectivement, un changement de ce système et toutes ces personnes n'auraient pas besoin de voir un psychologue. Et quelle place est-ce que vous donnez au sein de votre boulot au travail collectif, à l'empouvoirment des personnes pour justement sortir un peu de ces cas individuels ou de sentiments que les personnes ils ont justement, que ce qu'ils vivent c'est quelque chose d'individuel et... mais en fait non, que c'est systémique souvent. Et du coup, est-ce que vous faites des choses qui vont dans ce sens-là ? Alors déjà, dans mon travail, on est beaucoup en individuel avec les personnes. Mais pour le coup, déjà en individuel, je trouve ça important, pour, en tout cas personnellement, pour chaque psychologue ou chaque travailleur social, de souligner l'existence d'un système sexiste, raciste, classiste. Voilà, c'est-à-dire que ces systèmes existent et je trouve que ça fait vraiment du mal quand on reconnaît pas ça. Parce que les gens vont avoir tendance à se sentir coupables de la souffrance qu'ils ont. Or, cette souffrance, elle vient pas de nulle part. Ça, moi, je refuse de participer à ça, c'est-à-dire d'individualiser une souffrance sociale. Je trouve que c'est grave, en fait, de faire ça, premièrement. Ensuite, ça arrive qu'on fasse du collectif, et là, on va soutenir le fait que chaque personne a un savoir. Les personnes ont des ressources. Et c'est pas parce que ce ne sont pas les savoirs dominants, de la culture dominante ou du groupe social dominant que ça vaut rien. C'est pas vrai. Chaque personne, voilà, peut avoir des ressources. Et ensuite, quand on met en commun des ressources, voilà, c'est vraiment quelque chose qui, comment dire, peut prendre vraiment de la puissance, redonner de la puissance aux gens, mais ensemble aussi les gens ont de la puissance. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve qui est pas facile à faire. Et les gens qui travaillent dans la promotion à la santé ou la santé mentale communautaire le font mieux que nous, je pense, en tout cas dans le service dans lequel je travaille. C'est-à-dire que ça implique aux psychologues et aux travailleurs sociaux de prendre une sacrée distance et de juste favoriser les choses pour que les personnes vraiment reprennent en main les savoirs qu'ils ont, les vécus qu'ils ont, etc. Et pour moi, c'est un travail à faire voilà, régulièrement, chaque jour, avec chaque personne et avec chaque groupe. C'est vrai que oui, un monde où chaque patient, parce que nous on appelle les patients, aurait la possibilité de reprendre le contrôle sur sa vie et ensemble, même en groupe, de reprendre contrôle sur la société et de pouvoir changer les choses, moi je serais super contente. Et une dernière question pour clôturer. puisqu'on n'en est pas encore là, malheureusement. Quoique ça peut exister à certains moments et dans certaines initiatives, et il faut le reconnaître, et il faut le rendre visible, et il faut en parler. On n'en est pas encore là à abolir le capitalisme, le patriarcat, etc., le racisme systémique, etc. Donc, comment est-ce que tu fais pour faire ce boulot et pour tenir en dehors de ces changements radicaux qu'il faudrait, en fait? Très bonne question. Ben déjà, j'essaye d'en parler. Je crois beaucoup, alors c'est parfois très fatigant, mais à la sensibilisation. C'est-à-dire sensibiliser les personnes. Par exemple, je mes collègues, je les embête avec des questions, enfin embêter, voilà. De rappeler un peu que ce système existe, système capitaliste raciste existe. Donc déjà, pour moi, dans le quotidien, on peut reprendre les gens, on peut discuter avec eux. Voir un petit peu, donc je pense à mes collègues, parfois enfin politique avec les patients. Après ça, moi je suis pour parler politique avec les patients si eux en ont besoin. C'est-à-dire que c'est pas mon espace, c'est le leur, et ça c'est important. Ensuite, pour moi le politique c'est pas que des discussions, c'est une attitude, une posture à avoir. Et donc plus on est dans des questions d'empowerment ou voilà, plus on respecte les gens, plus on fait un travail sur soi, de déconstruction, etc. Déjà, pour moi, on est déjà dans du politique. Pour moi, le politique, c'est tous les jours. Voilà, le milieu féministe, on est quand même dit que le privé est politique et c'est tout le temps. Voilà comment je fais. C'est-à-dire mettre de la militance un petit peu partout. Militer, pourquoi pas. Après, à chacun selon ses moyens, comme on dit. Et donc, moi, je dirais aussi aux personnes privilégiées de militer. Parce que les personnes qui sont pas privilégiées, et que nous, on voit tous les jours, en fait, ils militent tous les jours. En survivant, etc. Donc, je dirais comment je survis, oui, c'est être un petit peu politisé et de sensibiliser les personnes plus privilégiées. Un grand, grand, grand merci pour cet entretien. Merci, merci à toi, c'était super. Mi corazón llora. On vient d'écouter la chanson Nací en el Amo de Remedios Silva. Et au milieu de l'entretien, c'était Nina Miskina avec un vers de plus. On a aussi écouté le tout début de La Canaille, Je te salue ma rue. Vous êtes toujours en train d'écouter l'émission À la cause de bois qui passe sur les ondes Radio Libre, Radio Panique et Radio Campus. Et voici le focus de À la cloche de bois sur une occupation de terre en Uruguay dans le quartier de Santa Catalina, qui a commencé en janvier 2020. Cette occupation est toujours d'actualité. Dans l'émission À la cloche de bois, on vous propose d'élargir la question du logement, des squats et occupations au-delà des frontières. D'une part, pour vous informer de ce qui se passe ailleurs et dont on parle que rarement par ici, et d'autre part, dans certains cas, ça pourrait donner des idées pour des pratiques présentes et futures. Revenons sur notre occupation qui s'appelle Nuevo Comienzo, Nouveau Commencement, et qui concerne quelques 300 familles de prolétaires précarisés par la situation économique. Il faut savoir que les raisons principales de l'existence même des bidonvilles en Uruguay, c'est une conséquence sans équivoque du fonctionnement même du capitalisme. Je m'explique. Les grandes villes étant des concentrations de production et où les gens provenant des villes mais aussi des campagnes s'agglutinent par nécessité dans les grandes villes. Alors, quand c'est l'essor économique et que tout va plus ou moins bien, c'est moins visible. Mais quand les entreprises décident de licencier selon les aléas de leurs profits ou qu'elles proposent des emplois précaires ou avec des bas salaires, c'est là que les choses se corsent. Et selon les circonstances de chaque pays, ces situations créent des poches de grande pauvreté, dont les bidonvilles. La plupart des habitants des quartiers ouvriers défavorisés ou misérables sont d'ex-travailleurs agricoles ou descendants d'ouvriers agricoles. Jusqu'au début des années 50, chaque ferme comptait de nombreux ouvriers qui travaillaient la terre avec leur famille et vivaient dans des maisonnettes en briques situées sur les domaines agricoles, dans des conditions qui étaient rudimentaires, mais meilleures que celles des asentamientos, appelés bidonvilles. La mécanisation et l'intensification de la production a bouleversé l'organisation sociale et a entraîné le départ de la population rurale vers les villes. Il fallait trouver un emploi pour survivre. Pas facile quand on est d'origine modeste et qu'on est souvent, pour la plupart, illettré. Pour donner un ordre d'idée, en Uruguay, il y aurait actuellement 659 bidonvilles, avec un peu plus de 192 000 personnes qui y vivent sur une population de 3,5 millions d'habitants. Les personnes qui vivent dans ces bidonvilles, qu'on appelle asentamiento, ont pas mal de problèmes, tels que l'accès à l'eau, à l'électricité, il n'y a pas de voirie, les déchets ne sont pas retirés, les bus et les transports sont inexistants, il n'y a pas d'accès à la santé, et les gens n'ont peu de boulot ou pas du tout de boulot, pas d'aide sociale, c'est la pauvreté pure et dure. Ah oui, il y a un autre point qu'il faudrait prendre le temps de développer, c'est la présence des narcotrafiquants, qui font à la fois la loi dans les quartiers et en même temps sont, via les trafics, le socle indétrônable d'une économie locale. Du coup, ça rajoute au quotidien un côté très tendu entre habitants de ces bidonvilles. Voilà, maintenant que vous avez une petite idée de la situation sociale dans les bidonvilles en Uruguay, revenons à cette occupation de terre à Santa Catalina qui a eu lieu en janvier 2020. Des familles ont occupé une terre dans la banlieue de Montevideo, c'est-à-dire entre le quartier ouvrier d'El Cerro et la campagne uruguayenne. Le terrain appartient à un propriétaire privé qui a d'ailleurs assez vite dénoncé les occupants au juge fiscal pour usurpation de terrain. Alors pour la faire rapide, usurpation de terrain en Uruguay, c'est une infraction d'ordre pénal qui a été modifiée plusieurs fois depuis sa création puisque cette loi fut créée en 1889. La dernière modification en date a été faite en 2009 et elle remet la qualification d'usurpation de terre dans un registre répressif du type pénal, donc plus dur puisqu'on peut faire de la prison pour occuper des terres. Du coup, les gens qui ont occupé les terres s'organisent pour empêcher le délogement, notamment lors de l'opération policière du mois de novembre 2020, où la résistance empêchera l'expulsion. Même s'il y a eu 8 personnes qui furent imputées d'usurpation de territoire et de vol d'énergie électrique. Oui, il faut savoir que la plupart des gens des bidonvilles se réapproprient l'énergie par défaut de nécessité. Je me permets encore de faire une actualisation de l'interview qui va suivre, car récemment, un avocat qui est proche des occupants et des occupantes a introduit un recours contre la procédure d'expulsion au Comité des droits sociaux, économiques et culturels de l'ONU. Et donc l'ONU a demandé au début du mois de février 2020, en raison de la situation actuelle de crise Covid, la suspension de l'expulsion de l'occupation Nuevo Comienzo à Santa Catalina en Uruguay. Dernière chose, nous sommes désolés de la qualité sonore de l'interview. Sachez que nous tentons de faire au mieux pour vous informer. Donc, bonjour Sandra. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde, les amis, les copains et ceux qui écoutent la radio. Est-ce que tu peux nous expliquer donc le pourquoi de cette occupation? Comment ça a commencé? Bon, cette occupation a commencé à peu près, ça fait un an. Et dans un quartier, dans les environs d'un quartier assez éloigné du centre-ville, donc un quartier populaire del Cerro, proximité del Cerro. Et voilà, donc depuis le mois de janvier, on peut dire que les terrains sont occupés à Santa Catalina, qui est un quartier qui en lui-même réagroupe 8000 habitants, d'où provient la plupart des occupants, des occupants. Voilà. Et donc, cette famille, apparemment, tout aurait commencé par une dame qui un jour a traversé, s'est trouvée de l'autre côté de la route pour creuser un trou et planter un tronc comme début de l'occupation, et donc immédiatement c'est suivi avec des gens, avec d'autres personnes, et immédiatement beaucoup plus de personnes. Voilà, normalement il y a à peu près 700 familles, et entre 800 et 1000 et quelques de personnes qui occupent. Chaque famille s'est partagée sa parcelle de terre de 15 à 25 mètres chacune. Et voilà, ils sont là d'une manière très précaire. Il faut dire que la plupart de ces familles proviennent des gens qui n'ont pas de travail ou qui avaient perdu leur travail il n'y avait pas longtemps et qui n'avaient pas une solution de logement pour eux et pour leur famille. Donc l'occupation commence et ça va donner suite à que une série d'organisations sociales et soit solidaires, s'y fassent présentes dans le terrain pour aider à la construction, pour ramener de la nourriture, pour installer une soupe populaire, pour construire un locaux qui servirait pour distribuer la nourriture, pour faire des ateliers avec les enfants, comme ça, sur le terrain, etc., etc., et aussi des avocats pour les faire pouvoir les mettre au courant de leurs droits, des choses, de toutes les formalités, des choses qui se passent quand on occupe un terrain. Voilà. Alors, le 16 avril, il y a eu le premier acte répressif de la part de la police qui se sont fait présents, avec de la police scientifique aussi. Et alors, ils sont détenus, ils sont arrêtés deux femmes, une d'elles avait 5 enfants, et les enfants sont restés tout seuls. Ils sont arrêtés pendant un certain temps, en prison domiciliaire après, et cette femme aurait été, donc on aura mis la pression sur elle, pour qu'ils disent aux autres qu'ils devaient dégager, partir de là, parce que sinon, elles allaient aller en tôle, vraiment. Donc, il y a une pression. Et alors, et lors de cette perquisition, on leur a confisqué de l'argent qu'ils avaient récolté avec la vente des beignets pour leurs besoins, leurs dépenses, et aussi ils ont confisqué les papiers, les constats comme quoi ils payaient l'électricité, etc., etc. Et voilà. Donc il y avait tout la comptabilité de l'occupation. Après ça, on n'en parle plus de ça, ça reste, les personnes ne vont pas en prison, et il y a une période où les organisations sociales, ils se font présentes, ils sont très visités par tous les moyens de presse, etc., etc., et la chose reste un peu en stand-by, Jusque que, à un moment donné, il y a une autre, il y a pas longtemps, une autre descente de la police plus musclée avec des armes en main. Ils vont prendre 8 ou 9 personnes et ces personnes vont être inculpées par usurpation de la propriété privée pour être branchées à l'électricité d'une façon illicite, etc., etc. Donc voilà, ils sont. Mais cette mesure s'est superposée à une autre chose, c'est que il y a les démarches pour la régularisation de l'occupation étaient déjà en route, et donc on ne sait pas vraiment s'ils pourront être inculpés. D'ailleurs, il n'y a plus lieu à usurpation parce que la mairie de Montevideo, il y a quelques jours, a octroyé la propriété pour les occupants. Bon, il n'a pas octroyé la propriété dans le lieu même. Ils vont construire un complexe, un ensemble d'habitations dans un autre terrain. Et alors, il y a la coopérative de logement Fugvin qui s'est fait présente au solidaire dès le début, qui bon va être un peu le référent sur lequel va possibiliter le médiateur entre la mairie de Montevideo, les autorités et tout ce qu'il faut pour ça et la construction des logements. Voilà. Donc ça c'est la situation aujourd'hui. Et on se fait une pause musicale avec Los Parias, groupe punk de Santiago du Chili, toujours actif. Avec la chanson Desalambrar, qui est une reprise de Daniel Viglietti, chanteur populaire qui avait dû se réfugier en France pendant la dictature uruguayenne. Cette chanson appelle à couper les fils barbelés et les clôtures de la propriété privée pour que chacun et chacune puisse y vivre librement à Desalambrar. A los presentes, si no se han puesto a pensar que esa tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos sean. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Con mi canto, a alguien que no quiera huir, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Et voilà, c'était Los Parias à Desalambrar et on poursuit avec l'interview de Sandra depuis l'Uruguay qui nous parle d'une occupation de terre dans la banlieue de Montevideo, occupation de terre pour y vivre, qui a commencé en janvier 2020 et qui est toujours en cours. Bon, il faut dire que les occupants se sont mobilisés beaucoup, ils ont fait plusieurs manifestations, ils ont été faire des manifs comme ça devant les instances du gouvernement. Et il n'y a pas longtemps aussi, ils ont rédigé une lettre pour le président avec des exigences diverses, etc. Mais cette affaire serait déjà sur le chemin de, d'être régularisé. Bon, qu'est-ce qui nous laisse, comment est-ce qu'on peut lire cet événement en Uruguay? Mais bon, et on peut lire que les occupations ont été toujours eu lieu parce que le problème de logement s'était jamais réglé et qui, au loin d'être réglé, c'est un problème qui prend de l'ampleur à mesure qu'il passe le temps et au fur et à mesure des différentes crises. Donc, mais ça, c'est l'occupation la plus grande. 700 familles, c'est beaucoup. 1000 et quelques de personnes pour Montevideo en rapport à la population qu'on a, c'est une grosse population. Et bon, ça c'est des, un, ces problèmes-là. Aussi, il y a des choses qui ont fait sonner une petite alarme, c'est que ce terrain, en réalité, après on a su, une partie c'était de la propriété de la mairie de Montevideo, une autre partie d'une société privée. Et quand on a été voir cette société privée, qu'est-ce que c'était? C'est l'entreprise Der Valix, société anonyme, et c'est un opérateur des activités portuaires, donc les propriétaires. Et c'est eux qui ont présenté au début de l'occupation une dénonciation pour occupation et usurpation. Et après, bon, il y a eu tout le pourparlers entre la mairie de Montevideo, la société, les occupants, qui ont tenu bon, que malgré qu'il y a eu des perquisitions et des descentes de police, ils sont pas délogés, ils n'ont pas quitté le terrain. Bon. Et donc, à la fin, ils arrivent à obtenir la régularisation. Bon, là, je mentionnais la coopérative Fougouin. La coopérative Fougouin, elle est très date du temps de la dictature. Ce n'est pas une institution, c'est bien une coopérative qui a été créée par des personnes qui avaient sans travail au temps de la dictature, des personnes qui avaient perdu leur boulot, qui étaient dans les listes noires, ou des personnes qui avaient des chefs de famille qui étaient en prison, etc., etc. Et cette coopérative, c'est un modèle de coopérative en Uruguay. Et parce qu'il y a, bah, il y a d'autres coopératives, et Fougouin est celle qui regroupe la plus grande partie des coopératives. Et en général, quand on arrive à la coopérative, il y a toujours eu une occupation de terrain avant. Ça, c'est dans l'histoire, c'est dans l'apprentissage, c'est dans l'expérience. Les coopératives, une fois qu'on octroie le logement à quelqu'un, ça fonctionne avec une assemblée ordinaire pour gérer la vie et toutes les histoires de la coopérative. Ils ont un salon communal qu'on appelle un salon pour se réunir et aussi pour faire les fêtes anniversaires et aussi. C'est-à-dire qu'il y a une grande communication au niveau horizontal. C'est en fait, si vous voulez, sans le vouloir, une espèce de grosse communauté parce qu'ils sont tous réagroupés. Il y a plein d'activités qui se développent à l'intérieur d'une coopérative. Ils ont été toujours très actifs et militants pour les causes de logement, etc. Et ce qui fait que à chaque fois que Fougouin participe d'une mobilisation, il y a des milliers de personnes parce qu'ils sont nombreux et il y a un déploiement de leur créativité au niveau de la propagande qui mène en avant. Et voilà, ça c'est... Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Moi, grosso modo, il y a un fonds de logement. Et un fonds de logement pour les coopératives et qui est créé, plus ou moins officiel, et c'est pas que l'État donne de l'argent, donne des empreintes, et alors il y a sous le statut de coopérative, il y a la possibilité de se procurer, parce que pour construire le logement, l'argent, les personnes n'ont pas l'argent, parce que si au début ont été des occupants, c'est parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Et voilà, les logements d'une coopérative, ils peuvent pas se vendre, sinon que c'est toujours l'assemblée, et en fonction de la situation familiale, de personnes des familles qui décident qu'est-ce qui advienne, un logement qui resterait vide, par exemple. Donc, il n'y a pas la possibilité de faire de la spéculation avec, une fois qu'on a le titre, d'occupation. Parce que, et des coopérativistes, on n'est jamais propriétaire dans cet statut-là. Et bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas eu dans ce cas-là une répression indiscriminée contre toutes les personnes, parce que c'était une occupation, on pense, nombreuse, c'était dans un quartier difficile à intervenir. Donc, la résistance était une résistance de rester là, pacifiquement, réclamer ses droits et voir quel était le meilleur moyen pour amener au bien. Il y a une couverture très importante de toute la presse et j'ai vu, ça fait deux jours passés, ils ont été interviewés par un poste de télévision, voilà, ils sont invités sur les antennes pour qu'ils témoignent de leur situation. On leur a posé beaucoup de questions parce qu'au début, ils ont été fortement stigmatisés en disant que bon, qu'il y avait des narcotrafiquants qui voulaient s'installer là, qu'il y avait des criminels, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela. On a essayé de mettre ça au niveau médiatique pour créer l'isolement et pour que cette occupation n'arrive pas à bon port. Mais bon, il y avait la solidarité, il y avait l'organisation, il y avait l'avocat, il y avait tout. Donc, ça a mené à bon port. Donc, juste pour revenir un peu sur cette coopérative Fougvan, coopérative de logement et coopérative d'aide mutuelle, est-ce que tu peux expliciter, si tu sais, exactement comment ça se passe? Bon, parce que c'est un intermédiaire avec l'État, la ville de Montevideo. Et donc, quel est le rôle par rapport à cette occupation précise que tu as raconté? Et alors, tu as parlé à un moment donné d'argent qui venait de l'État, qui mettait dans la coopérative, où j'ai peut-être mal compris, si tu peux aussi expliciter ce point-là. Bon, je suis pas une experte parce que c'est bien complexe leur système, mais c'est pas que l'État donne de l'argent. Donc il y a un fonds de logement pour les coopératives, mais que les coopératives peuvent avoir accès en recevant des empreintes, je pense, pour la construction de ces logements. Après, dans le concret, est-ce que les personnes doivent payer quelque chose et comment ou de où sort l'argent? Et ça, c'est quelque chose qui m'échappe parce que bon, je suis pas coopérativiste et je ne suis pas là-dedans. C'est pas que c'est prévu totalement, mais bon, le système coopératif a gagné ça en Uruguay depuis beaucoup d'années parce que c'est très ancien l'existence. D'ailleurs, il y a une association ou une fédération qui regroupe toutes les coopératives parce que c'est un pays de coopératives ici. Il y a des coopératives partout, de toutes sortes, voilà. Donc, c'est dans ce complexe-là. Voilà, les coopératives gèrent d'une façon autonome leur argent. L'État vient pas leur dire, non, c'est l'assemblée toujours des coopérativistes, des personnes qui sont d'accord, évidemment, de faire partie d'une coopérative avec un statut. Chaque coopérative a son statut de fonctionnement, de droits, de devoirs, de cetera, etc., pour pouvoir soutenir et gérer la vie dans les coopératives. Voilà. Certainement que c'est un truc mixte. Hein? Certainement que les coopératives ont un fonds qui leur est propre de l'argent et aussi de l'argent qui peuvent recevoir en emprunte. Voilà. Et maintenant, il est beaucoup question, justement, sur le nouveau gouvernement uruguayen, de droite, extrême droite, de couper de l'argent aux coopérativistes. D'ailleurs, il y a eu une grosse mobilisation avec des milliers de personnes il y a quelques jours dans la principale avenue de Montevideo. Donc la coopérative Fouquin, elle est active tout le temps sur le terrain, très vigilant sur leurs droits, très attentif aux problèmes de logement et de l'ampleur du mouvement aussi, parce que c'est celle qui regroupe la plupart les coopératives les plus actives dans le pays. Donc, pour conclure, par rapport à la situation des occupations en Uruguay, qu'est-ce que tu peux rajouter? Bon, ce que je peux rajouter, c'est que ici, dans ce cas concret, del nuevo comienzo, parce que ça s'appelle comme ça, el asentamiento, c'est une histoire qui est conclue, qui est dans la voie de s'arranger, mais il faut dire que le problème de logement est un problème explosif et qui va être explosif d'ici un an, parce qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui n'auront plus et qui n'ont déjà plus solution pour le logement, à cause de la perte de leur boulot, et donc ça, on le dit, d'ici un an, le problème sera primérissimo, le premier et le plus important, la crise des logements où habiter. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de gens qui vivent dans la rue. Ok, merci beaucoup Sandra, et à bientôt. Mais merci à vous, et à une autre fois, au revoir.